Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Comignatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Comignatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir amis auditeurs de Radio Méditerranée. Il est 17h, c'est jeudi, c'est le son de l'underground. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, on a passé une bonne semaine ici, on a des nouveaux joujoux, le studio est vraiment sympa, donc c'est cool. On bosse sur Sudtronic, ça avance. Voilà, à quoi vous dire. Eh bien, d'ailleurs, demain, il y aura un live sur Sudtronic de 20h à minuit. On va recevoir un crew du Var, des alentours de Toulon. DJ Lulux, qui était déjà venu au mois de juillet, nous donnait un set techno qui était très sympa, très bien fait, avec beaucoup d'effets. Va venir avec deux potes à lui, DJ The Night et Avox. Donc ça va se passer de 20h à minuit demain sur Sudtronic. Demain, c'est la journée techno sur Sudtronic, donc ça tombait bien. Voilà, quoi vous dire d'autre ? Eh bien, pas grand-chose, hein. Vous avez vu l'événementiel, le machin et tout. On attend que Piccolo Pinocchio nous parle un petit peu de savoir à quelle sauce, tartare ou pas. Bon, après, enfin, là, il faut être vraiment teubé pour espérer encore je sais pas quoi de concret, puisque en fait, on nage dans l'irréel total, donc l'irréel n'a pas de limite. Là, je crois que ça va aller au bout. Il faudrait vraiment être teubé pour pas le comprendre. Donc, nous, de toute façon, on est sur la radio. La radio, on est forcément sur les ondes et on peut continuer à travailler, à vous donner un petit peu du bon son. Ce soir, c'est un spécial Deep House sur le son de l'underground. Donc, ça va être cool, plutôt de la musique cool. Un petit peu varié la Deep House, parce que la Deep House, c'est quand même une facette de la house qui est vraiment très ouverte en style. Il y a des deep house très rythmés, des deep house très house, des deep house très tribal, des deep house très techno. Il y a un peu tout. Je vais essayer de vous amener un petit peu sur cette voie-là, d'un tempo plutôt doux pour commencer. On finira, j'imagine, d'ici 3 heures à quelque chose de plus rythmé. Quoi vous dire, pas grand chose, on va démarrer je pense, et puis je vous parlerai à la fin de l'émission. Donc n'oubliez pas quand même Sudtronic sur l'onglet de l'application Radio Méditerranée sur Android, et puis aussi sur internet radioméditerranée.com, vous pouvez pas le louper, en plein milieu de la page vous avez le player Sudtronic si vous voulez voir ce que c'est. Donc je vous le rappelle, lundi Nu Disco, mardi Deep House, mercredi Tech House, jeudi Progressive House, vendredi Techno, et le week-end c'est 100% mix. Et puis il y a quand même des rendez-vous tous les matins de 6 à 9, c'est du chill, du lounge. Tous les soirs de 18 à 20, c'est de l'apéro, c'est de l'électro, de l'afterwork, pardon, électro en mode apéro. Et toutes les nuits de minuit à 2h, c'est du deep raving. Et de 2h à 6h, c'est de la pure techno. Donc on enchaîne, on démarre avec la Deep House. Je vous dis à tout à l'heure. Radio Méditerranée. against everything. Rebel against anything. Always pause long enough to find out why I was put there in the first place. Rebelling against everything. Rebel against anything. Always pause long enough to find out why I was put there in the first place. Against everything.

clear. We'll be right back. Radio Méditerranée.